côté. Cromwell. Oula. Je flippe, dit le petit fantôme. Ah, est-ce que je peux flipper? Alors, tu joues? Non? Vous répétez ne pas me réveiller de cette façon. Vous en prenez un peu trop à votre aise. Il faut que ça finisse. Si vos camarades agissaient comme vous le faites, qu'est-ce que vous diriez? Amen. Il n'y a pourtant pas de raison pour que je traite George Harrison, les jumelles de Frédéric, autrement que vous osez me mettre sur un pied. Cromwell était indigné. Oh, allez, mais sur un... D'égalité. Lui, Cromwell, chat iranien, à la belle robe grise et à banal hamster. Dame. Blanche et Pierrot et une tortue. Beurre. Il y avait des moments où il en arrivait à se demander si Bénur ne votait pas pas travailliste. Alors ce livre est écrit par ex-Bryant, le petit fantôme de Finger, librairie des Champs-Élysées, le numéro 392. Marignan. Marignan. Parce qu'on se marignan. Pour le coucher.